au showbiz avec tout plein de vauriens. Ouais, y'a pas mieux qu'un diplôme. En plus, c'est sûr, ça, tu verras que cette solution elle remplace tout ça. J'ai pas non plus envie de faire des clips tout plein de go. J'en ai bouillon, mais dehors c'est un frigo. J'fais attention, comme un marche, puis la mule. La vie, une tension, on passe pour toi et tes amis. J'ai pas le choix, fallait choisir entre vol et la passe. Autre choix rare, vis bien les grandes pétasses. Alors écoute ce que je te dis, moi. Si tu veux, tu peux t'en sortir aussi. Tout ce que je fais, c'est pour m'en sortir dans la vie. A chacun son destin, ça c'est mon avis. Tu fais la gueule quand on parle de ton avenir. Serrons-nous la main et salut tes parents. Ce que je fais, c'est pour m'en sortir dans la vie. A chacun son destin, ça c'est mon avis. Tu fais la gueule quand on parle de ton avenir. Serrons-nous la main et salut tes parents. L'heure des comptes a sonné. Ici on parle que de répression à donner. À la poisse on connaît la récession. Le diable a trôné sur nos âmes. Enrôler les hommes, violents comme l'enzyme. Macro zèbre sur nos dix. En somme, je fais un zoom sur nos zones. Sans faire de zap sur nos upes. La couche d'ozone, ici on s'en tape. À la merci de leur pouvoir. Leur gang et leur sbire. Nos bangs et nos bars, nos vies, ces derniers couloirs. Ils ont semé l'intolérance et ils récoltent la haine. Et chacun porte sa peine pour la paix. J'ai des condoléances, état de violence. Puisque c'est œil pour œil, dent pour dent. Deuil sur deuil et surtout clan pour clan. Tout ce que je fais, c'est pour m'en sortir dans la vie. A chacun son destin, ça c'est mon avis. Tu fais la gueule quand on parle de ton avenir. Serrons-nous la main et salut tes parents. Tout ce que je fais, c'est pour m'en sortir dans la vie. A chacun son destin, ça c'est mon avis. Tu fais la gueule quand on parle de ton avenir. Serrons-nous la main et salut tes parents. Enfin bref, pépère, voilà mon album. Désolé petit, à ce temps-là si ça donne. Un bonjour aux jaloux, vous avez quoi braver. Notez 10 sur 10, l'homme qui vient du pavé. Donne-moi un petit anneau, que j'avale les culs secs. Histoire de mettre en forme, pour te mettre dans un cul-de-sac. Vénère comme Tyson, et malin comme Adam. Sur un son y'a boum boum, désolé c'est là que j'taffe. Et ouais moi aussi j'taffe, on se racaille. J'te balaye et puis j'rafle, y'a pas de détails. Écoute-moi sur ta baffle, viens canin. T'as voulu prendre mon staff hein. Tout ce que je fais, c'est pour m'en sortir dans la vie. A chacun son destin, ça c'est mon avis. Tu fais la gueule quand on parle de ton avenir. Serrons-nous la main et salut tes parents. Tout ce que je fais, c'est pour m'en sortir dans la vie. A chacun son destin, ça c'est mon avis. Tu fais la gueule quand on parle de ton avenir. Serrons-nous la main et salut tes parents.